rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Rof. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Rof, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Comment va? Ça va. Bien, après cette belle victoire que tu avais pronostiquée, tu avais dit 2-0, 3-1. 3-1. 3-1, on y est. Le compte est bon, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, tout va bien? Très bien. Bosser aujourd'hui, la répète, repos. Belle victoire, on a répété. Tranquille. Bon, le début de la tournée, le PDRG Tour, c'est le 11 avril. C'est, je suis en train de me dire, c'est déjà la semaine prochaine. Ouais. On est à J-8, mine de rien. Ouais. Ça arrive doucement. Ça paraît loin. C'est vrai que ça peut paraître loin, mais ça va aller très très vite. Vu que j'y pense beaucoup. Dépêchez-vous aussi de prendre les places. Là, je crois qu'il en reste quelques-unes, donc c'est le moment où jamais d'y aller. Ouais, c'est faut pas rater ça. Faut pas louper l'événement. La dernière fois, dernier Zénith, c'était quoi, 2009, hein, mine de rien? 2009, ouais. C'était 2009, ce gros Zénith qui avait duré plus de 3 heures. Non, 3 heures. C'était 3 heures? J'ai l'impression que ça allait durer un peu plus. Non. 3 heures et quelques minutes. Bon, le temps de dire au revoir à tout le monde. Bon, et ce sera la même chose vendredi prochain, le 11 avril. Ensuite, toutes les autres dates, on vous les filera avant 21h. Ce soir, peut-être du live. Ce soir, des morceaux, en tout cas extraits, je sais pas, de ta discographie ou peut-être de PDRG. Ouais, on va passer des classiques encore. Et là, on débute comme chaque soir avec le morceau qui s'appelle L'Oseille. C'est parti maintenant sur Skyrock. DRG, Ray, Zénith, 11 avril. ISF, taxe foncière. SDF sans difficulté financière. ROH de Zeb, l'homme d'affaires au stylo magique qui fait passer des HLM au quartier chic. Donne-moi le micro, j'en fais une pompe Afrique. Comme Mélanie, je vise aide humanitaire en Afrique. L'art de manier le fric, hein, c'est magnifique. Je garde le coup de comptoir, rien à foutre leur calibre. Les millionnaires savent qu'on Beyoncé. Les milliardaires que je connais ne savent pas danser. Les jaloux pas, va trop Beyoncé. Je souhaite les biens de Jay-Z aux sœurs, les parures de Beyoncé. Et traverser la planète en jet mallette, yes, violette. S'il pleuvait des pièces, on aurait tous mal à la tête. No pain, no gain, dans c'est très universel. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'oseille. Donc je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, j'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille. Parler de sous en France est un sujet tabou. D'où je viens, on aime l'argent facile comme les marabouts. Chez nous les gourous se font escroquer. On toucherait la cotorette, franchement les estropier. Le monde est la pomme qui me tarde de croquer. Pensez aux pauvres, le gaspille vos thunes à vous droguer. Pour la santé, de représenter ce qui est rare et cher, mais le prix que je commence à chanter. Time is money, écrit sur ma chopard. Je dors dans le luxe avec un cœur de clochard. Pareil que la misère et moi frileuse au soleil. L'hiver est glacial sur la tête de mes enfants. Donc je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, j'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille, qui court pas après l'oseille. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je vais claquer mes sous. Aïe. Veux-tu être ma cavalière tonight? Allons-y. Je vais claquer mes sous. ROH de Z pour vous tonight. Chaque jour que je fais, je dois faire de l'oseille. La nuit m'empêche de dormir avec ses conseils. On veut tous en sortir, du moins on essaye. Métro, boulot, dodo de Monday à Friday. Joyeux Noël, happy birthday. Bonne année, fauché au réveil. Rentre chez toi, joue à la play. On claque, claque, claque, tapez sur une bouteille. Ils ont monté le prix du diesel, diesel. L'oiseau est sorti de sa cage, on leur a coupé les ailes. La vie a moins de goût que la mer sans sel. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'oseille. Sur sursaut, je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, j'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, l'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille. L'oseille, l'oseille, l'oseille, l'oseille. C'est l'oseille extrait de PNRG, l'album qui est toujours dans les bacs, double album pour Rof, notre invité entre 20 et 21, juste avant de partir en tournée. La semaine prochaine, c'est au Zénith de Paris. On n'a pas dit un petit mot aussi, parce que c'est vrai que toute la semaine, t'es en distinct, évidemment, ta marque de fringues. Ouais. Il y a une nouvelle collection qui arrive. Elle est arrivée déjà. Ouais, elle vient juste d'arriver. Pour l'été, ouais. Pour être frais durant tout l'été. Propre. Très classe. Bien, propre. T'as quel rôle dessus d'ailleurs sur Distinct, toi? Bah, je suis le patron. Tu supervises aussi les modèles Je suis patron et je supervise, ouais, je donne des. Si tu veux, je donne des idées et puis on me propose aussi. Puis je discute avec mes partenaires. C'est marrant ça, ce taf de boss dans le textile, de. C'est une autre facette quoi. Ouais, tout le monde kiffe les vêtements, tu vois. Donc tout le monde a son style, donc j'essaie d'imposer le mien, c'est tout. T'as envie de développer quoi plutôt parce que là c'est vrai qu'il y a une marque un peu streetwear, il y a aussi des un côté classe, un côté streetwear, mais je veux pas faire que du streetwear quoi. Parce que toute l'année je m'habille pas que comme ça quoi. Ah bon? Ouais non, pas du tout. Donc ça c'est la collection, elle est dispo, on peut la trouver, il y a un site aussi internet où on peut la trouver. Ouais, distinctshop.fr. Distinct Shop, ouais. Ouais, il y a le magasin qui ouvre là à Châtelet bientôt. Dans deux trois semaines. De toute façon on va donner la date là. Sinon, on peut demain, on va donner la date. Sinon, on peut en trouver dans tous les points de vente. Dans tous les points de vente, ouais. France, ouais. Différents points de vente dans toute la France pour trouver du distinct pour ceux qui demandaient. Parce qu'il y a un côté luxe pour le prix du streetwear, limite, tu vois. C'est une marque qui se veut fédératrice, tu vois. Pour les questions, pour ceux qui demandaient, ouais, justement, quand est-ce qu'on peut trouver la collection, donc celle de l'été est arrivée. Ouais. Et puis, on peut en trouver dans différents. Allez sur le site, vous allez voir, des polos super classe, des t-shirts bien classe, propres. Je m'en rends bien. C'est pas des marques de zoulettes. On voit toujours pas à qui c'est destiné. C'est Planète Rap avec Rof. Chaque soir, vous le savez aussi, tout au long de la journée, vous envoyez vos morceaux préférés de Rof sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Planète Rap. Aujourd'hui, le son qu'on a beaucoup demandé, c'est mon son, justement. Ouais. Je sais pas si t'avais prévu de le passer. On l'avait joué, on l'a joué en live. Et donc, ils l'ont demandé. Ok. Donc n'hésitez pas à faire part aussi de vos morceaux préférés de Rof, peu importe la discographie, puisque sur scène tu vas jouer un peu plus de 15 ans de carrière justement. Ouais, je jouais pas mal de sons les sons qui ont marqué, surtout qui ont fait ma carrière, tu vois. Donc n'hésitez pas à demander un pareil avec le hashtag Rof. Donné pour tout le monde, en tout cas, soyez rassurez-vous là-dessus. On va autant donner de classiques que de singles, que de un peu de tout. Et puis surtout, il y aura le morceau exclusif Soleil qui arrive. T'auras des invités aussi sur scène qui vont t'accompagner? Ouais. Faut pas en parler encore. D'accord. Tu veux parler de Soleil? Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, tu veux pas nous en dire un peu plus sur le morceau? T'as promis que t'allais faire un morceau inédit. Non, ici? Non, pas ici, je sais, en concert, en concert. Chose promise, chose due, t'inquiète. Mais je me disais que peut-être que tu pouvais balancer un petit bout, un petit truc. Non, sûrement pas. Un petit bout du refrain, un petit bout du morceau. En concert, oui, en concert. Bon, uniquement en concert, donc le morceau. Ceux qui veulent entendre le nouveau morceau des Roches de Zev, ça se passe au Zénith, 11 avril, tranquille. Bon, c'est qui s'appelle Soleil. Ouais, voilà, Soleil, après, à la guise de l'imaginaire. Tout le monde se fait des films dessus, ouais, il va parler de ça, il va parler de ci, il va parler de ça, bah vous verrez bien. Bah, surprise donc pour ceux qui auront la chance d'aller voir Rof, d'abord au Zénith de Paris et puis un peu partout dans toute la France. Il va passer par Lyon, il va passer par Nantes, par les arènes de Metz, par le Dôme de Marseille aussi. Marseille. À pas louper, Rof en tournée, une tournée Skyrock. Il y en a certains d'ailleurs qui ont chopé des places. Vous pouvez nous envoyer vos places de Rof avec les photos via l'application Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Oui, un gars il a dit, il y a au moins 5 secondes du son. 5 secondes, tu vas capter quoi? Bah oui, mais il a raison. Amidou. On essaiera de détourner Rock J d'ailleurs. Ok, tranquille Amidou, tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on balance maintenant, Rof? Qu'est-ce qu'on peut jouer? Faut voir le. Hier, on n'a pas rejoué le Zlatana Remix. On avait un invité Kérosène qui était là. Ouais. On joue à la fin. Bon, bah comme tu veux. T'as des morceaux. T'es prêt? Envoyer des morceaux, des albums. Rock J, il est tout le temps prêt, regardez. Ouais, il a toujours un grand sourire, ouais, je suis prêt. Hein? On joue quoi? Non, mais. En mode, on nous demande, j'entends dur mode. Tu veux le quoi? C'est dur, hein? Oui. Ah, c'est dur de choisir. Ah, ça a été dur à monter. 9-4, on nous dit aussi. Ouais. Un petit 9-4. 94. Vas-y. Allez, c'est parti. Balancez aussi vos morceaux. Regarde, il y a des gens qui demandent testament. Continuez à nous demander aussi. Allez-y, 41. Ouais, la puissance. Ah, la puissance. Ouais, la puissance. Bon, la puissance maintenant sur Skyrock, c'est extrait. Ah, il a dit la grande classe. Il a dit j'assume. Aïe. Non, mais j'assume. Ah, bah merde. Mais j'assume. T'as le pauvre rock. Non, mais tu nous mets dans la merde là. Mais non, regarde, c'est les demandes. C'est 15 ans de carrière, ouais, mais regarde. Ils sont tous en train de nous bombarder. Vas-y, mais j'assume. Allez, c'est parti. RG, j'assume maintenant. On jouera la puissance, on jouera tous ces sons là. Et puis si vous avez des sons préférés, allez-y, on vous les balancez avec le hashtag Rof sur Skyrock. Que vu d'en haut j'ai le vertige. Le saut de l'ange me démange. Nostalgie d'un homme riche. Encore bloqué à l'époque de hardcore sur mes speeches. Je vis au passé, m'ouvre au monde au pied de biche. J'ai traversé le tour à la vitesse de la galère. Plus bitume tu meurs, clochard allongé sur le terre-terre. Échec scolaire, rêve scolaire. Confond l'oseille et le soleil. Exposé au feu sans crème solaire. Néanmoins je garde la foi. Calibré c'est pas la joie. Si je gâche ma vie c'est que l'honneur m'a pas laissé le choix. Je rappe pour les têtes brûlées comme moi. Les autorités peuvent nous craindre. Aucun homme n'a le pouvoir sur moi. Leurs lois sont faites pour les enfreindre. Petit, tiens la route, tu finiras par nous rejoindre. Et si le mal marche avec le bien et finit par déteindre. Les coups de tête dans le mur ne répondent pas aux questions. J'ai baisé celle qui fallait pas, j'en paie la pension. J'en ai tiré leçon, ça m'apprendra à tirer à balles réelles. Me voir avoir du plomb dans l'aile que dans la cervelle. J'assume et je ne regrette rien. Je ne regrette rien. J'assume et je ne regrette rien. Si je t'ai blessé, j'en suis navré. Quoi qu'il s'est passé, je peux plus rien effacer. J'assume mes erreurs. J'ai trahi personne, j'ai toujours pris le dessus. Tout ce qu'ils savent de moi n'est qu'un aperçu. J'ai tout pris sur le dos, alhamdoulilah, je ne suis pas poursu. Les épreuves m'ont déplaint, comme dit mon père, j'ai capitalisé. Gravement atteint, dois-je me faire hospitaliser? Je reconnais mes torts, ni carapace, ni planque. Si je déterre les morts, c'est parce qu'au fond, ils me manquent. Moment intense, sentiment d'un tank. C'est dénué de sens, la plume d'un cancre. Pas le temps de refaire le monde. Qu'une de ces phrases, qu'un marginal est la phase. On se mélange pas comme les basques. Ne me colle pas les baskets. Bitch, où je t'écrase. Premier coup de main, je m'arrache le bro comme une voiture d'occasion. J'ai fait table rase. Y'a plus sentimental que moi, plus crapuleux que moi, plus sage que moi, mais pas meilleur rappeur que moi. J'ai au pied du mur en manque de baraka et joker. Comme ce daron qui mise la baraque au poker. J'assume et je ne regrette rien. Zénith 11 avril, gros. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe. PDRG, Ray. J'assume. Serov, notre invité toute la semaine, juste avant de partir en concert, avant le Zénith de Paris, dans une semaine, le 11 avril prochain, le Zénith de Paris, avec ce morceau, j'assume, que tu feras certainement en live aussi, comme plein d'autres. C'est sûr. À pas louper. T'as déchaîné les gens avec la puissance, tout le monde réclame la puissance. Oh, on va jouer. Tu as les messages qui arrivent? Allez-y, 41, 7, 5, 9, 10. Saturait, on a le morceau Soleil avant le Zénith. Oui, il a raison, Nasser. C'est vrai que saturait. Bah oui, saturait. Saturait, Nasser, saturait. Inch'Allah. Non. Il faut te déplacer, il faut que tu viennes. Viens, frérot, viens au Zénith. Allez-y, les messages 41-759. On nous demande aussi, est-ce que sur ton futur album, tu prévois d'autres featuring? Il y a beaucoup de demandes sur le morceau avec Wallen que t'avais fait aussi. J'aimerais bien refaire un nouveau morceau avec Wallen. Ouais, c'est vrai? Ouais. S'il y a des gens qui t'aiment bosser. C'est une pionnière. Beaucoup de respect. On sait que le talent, elle l'a pour la vie, quoi. Ce serait bien de remettre ça. Même si c'est vrai qu'elle a un peu décroché de la musique ces derniers temps. Ouais, je sais pourquoi, mais tranquille, elle va revenir là. Elle va revenir très loin. C'est un truc auquel tu penses parfois, toi, de décrocher de la musique, faire d'autres choses C'est déjà arrivé, ouais. Bon, on va dire que j'ai un tout petit peu. C'est ce qui s'est un peu passé pendant les trois ans d'absence. Hein. Mais ça m'a permis de vivre d'autres choses et. Ouais, mais t'étais me renouveler et puis voilà. Et t'étais revenir. Encore dedans parce que t'étais en studio, t'enregistrais. Ouais, mais des fois je pensais à autre chose, hein, des fois. Mais je me cache pas, tu vois. Quand je dis se retirer de la musique, c'est voilà, faire vraiment une pause, arrêter. Quoi, genre 5 ans, genre. Je sais pas. Peu importe ou même à un moment, voilà, faire d'autres choses. Mais c'est ce qui se passe. T'inquiète, hein, je suis pas perché dans le rap, sur les réseaux, etc. Comme d'autres. Hein. Non. J'ai un vrai recul, hein. Déjà moi-même j'ai même pas mes adresses Facebook, Twitter, je les connais même pas, je sais même pas y aller. J'envoie des SMS pour que mes webmasters ils postent ce que j'ai envie de poster, tu vois pas. Ça se passe comme ça. Si on ne dit pas ce qui se passe sur les réseaux, je suis pas au courant. Tu vas pas. C'est pas un truc. Mais c'est bien d'avoir ce décalage, ce retrait, tu vois. C'est très bien, ça nous rend pas fous. Voilà. C'est un truc. J'ai une vie de famille. Hein. Ah mais je dis. Il y en a, ils ont pas de vie, ils ont ça à faire. C'est Instagame ou. Tu vois, c'est plus rap game, c'est Instagame. Ouais. Ils passent leur vie à photoshopper, faire des montages, truquer des trucs, envoyer des rumeurs. Il y en a, c'est leur taf, hein. Ils s'inquiètent pour leur position, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Toi, t'as une équipe qui bosse avec toi, voilà. Exact. Quand tu leur dis faut poster des trucs, tu postes, sinon. Exact, ça se passe comme ça. Ouais. C'est pas un truc, quoi, qui te fascine plus que ça. Non, je suis pas un internet, je suis pas un hacker. Mais comment t'expliques? C'est peut-être parce que t'as connu justement le rap avant, c'est-à-dire le rap où on faisait. Il y avait pas ça, l'époque des mixtapes. On avait vraiment la tête froide avec toutes ces histoires. Ça n'existait pas Internet, on réglait pas nos histoires sur Internet et pas tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Après, aujourd'hui, rien n'est acheté, je fais avec. Je m'adapte, on va dire. Donc, ouais, c'est plus voilà, une façon de s'adapter, d'avoir des gens qui bossent dessus, mais. Ouais. T'as pas forcément envie de t'impliquer plus que ça là-dedans. Non, ça marche très bien comme ça. Ça fonctionne bien comme ça. Pas un truc ouais, que t'as envie, par exemple, c'est pas le soir quand tu rentres, tiens, je bouffe ça. Non, j'évite. Ouais, des fois, je vais dire, ouais, poster telle photo, ça me dérange pas, mettez-la, ok, pas de soucis. Bon, après, le reste. Et pour revenir avec justement ces rencontres, tu penses, il y a des gens qui t'aimeraient poser là sur un futur projet. Je sais pas si on peut parler d'un nouvel album prochainement, je sais pas, comme t'enregistres régulièrement, mais il y a des gens avec qui t'aimerais poser en ce moment Écoute. À vrai dire, je pense au Zénith en ce moment. Tu, tu penses aux gens qui vont te rejoindre au Zénith. Voilà. On peut avoir pas grand chose à dire. On peut avoir deux, trois noms de gens qui seront présents au Zénith. Non, sûrement pas. Si je te propose, tu peux me dire oui ou non. Non. Si par exemple je te dis même Kerry quand, James. Même quand je mens, je dis la vérité. Si par exemple je te dis Kerry, est-ce qu'il va te rejoindre sur la scène du Zénith? Parce que je sais que voilà, vous êtes bien rapprochés. Vous étiez des. Hey Momo, t'as vu le match hier? Lourd ou pas? Donc Kerry James, lourd aussi. Non mais je sais que vous êtes. T'as vu Pastore, hein, tout le monde le critiquait, t'as vu, mais il est revenu lourd. Hein. Je sais que vous étiez. But de la victoire, Momo. Regarde pas, Momo. Dis-lui, Momo. Occupe-toi des caméras, Momo, s'il te plaît. Dis-lui, Momo. Des images sur skyrock.fm. J'ai vu le match, t'inquiète pas, il a vu, tout le monde a vu. Non, mais pour revenir à ça, c'est vrai que Kerry, vous étiez récemment en concert ensemble. Au Congo. Congo, congolais. C'était un super moment, je suppose, à vivre. Voilà, terrible. Mmh. Oh, on a voyagé ensemble, tout bien. Vous avez vu, de toute façon, on a envoyé une photo. Tu l'avais rejoint, je te dis ça parce que tu l'as rejoint sur la scène de son Bercy aussi, Kerry. Ouais, voilà. Ouais. Ça paraît, c'était un moment fort. Très fort, ouais. Très fort. Ouais, ouais. Donc peut-être un match retour. Sûrement, on verra. Ah, tu vois, regarde, tu commences. Stade de France. Bon, bougez pas dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on balance comme morceau, Rof? La puissance. La puissance. Allez, on voit. Bon, il était demandé, bougez pas, c'est dans un instant. Et puis au 41-759, inscription pour faire tourner la roulette, pour vous inscrire, pour faire un freestyle dans l'émission. Bougez pas, on revient après ça. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Cette semaine, c'est avec Rof, entre 20h et 21h, juste avant de partir en tournée dans toute la France. On choisit les morceaux, c'est vous aussi qui les choisissez en envoyant avec le hashtag Rof sur Skyrock. On avait dit juste avant la pub, puissance. La puissance. La puissance. J'arrive. Eh ben c'est parti, la puissance maintenant. Plein d'œil au sourire, des cœurs qui s'aiment. Cherche plus les mots, ils viennent de même. J'interprète la douleur qui nous hante. Tristesse et joie en nous suffisant. Vers la licence de la Morlande, je me raconte. Dans le miroir, je nous vois, chante ton âme, me reçoit. Ici chez toi ou dans la turvoie vois. Tous égaux, avec ou sans égo. Peut-être pas le même kilométrage de péché, on meurt pas ex-égo. Si t'as pas la foi entre nous, y'a qui progo. Si le ghetto a des oreilles, c'est pour kiffer mes propos. J'ai pris mon public entre quatre yeux en concert. Je peux vous tourner mes pages, pas genre de type concert. En ce qui me concerne, mal aimé pour ça qu'on s'aime. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Conscient que chaque jour que Dieu laisse est une chance. Je suis auteur, victime à la fois. Mon ambulance éduquée par absence de l'affection maternelle. Il s'agit de mendier l'amour, rembourser le naturel. J'ai pleuré la mer en retrouvant le paternel. Y'a que maintenant que j'ai découvert l'enfant bloqué en moi-même. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre. Je respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. On m'aime, on me déteste. Plus j'ai mal, plus je progresse. Le temps presse, le temps presse. Si je pars, ma musique donne la réussite, les épreuves. Les MC font ce qu'ils peuvent. J'ai la barre au microphone. Ce que tu ressens, c'est pas le son, mais la vie qui sonne. Je prends tout ce que Dieu me donne. La réussite, les épreuves. Les Zénith, MC font ce qu'ils 11 peuvent. Avril. J'ai la barre au microphone. Ce que tu ressens, c'est pas le son, mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap s'entrechoque. Les amis on les choque, les ennemis on les pare-choc. Compte sur Dieu et mon mashtop. Trop chaud pour les vieux chocs. Charerti, mon rap a mis la rue en cloque. Je reconnais mes petits qui veulent mettre à la monde, servir à d'exemple. Tellement je la rends folle, la jalousie t'a avant de ces conneries. Mais ça chatte, l'impact du succès. J'en profite pas même quand y'a de la chatte. Mon compte en banque est moins blindé que mon bloc-note. Pourtant j'ai assez d'euros pour être joyeux avec les menottes. Besoin faire de talk show, juste une couverture. On s'est parti, je reviens manger, changer les couverts. Je vois pas visage découvert. Le paysan m'a crié. Mets des lunettes de soleil au concert. Ça va briller. Bébé ça va crier. Je rappe mieux que toi et c'est pas de l'oublier. Je casse des murs, les putains de l'immobilier. Je frappe toujours le premier. À quoi bon sert discuter? On t'aime pour ce que t'as. On déteste pour ce que t'es. Je me suis fait tout seul. Je traînais pas tout seul. Je me fais la passe et marque tout seul. J'ai de leçon à recevoir personne. Pour m'en sortir y'a classique. Les sports violents, l'illicite. Et j'enchaîne les classiques. Y'a pas dit la surplus. Ce que je fais c'est du surplus. Et même mes habitudes ne me suivent plus. La puissance, c'est que j'arrive sans la rage, la rage de vie, je respire, j'respire, yeah. Ma vie, mon rat s'entrechoque. On m'aime, déteste, plus j'ai mal, plus j'progresse. Le temps presse, si j'pars ma musique, elle reste. La puissance, c'est que j'arrive sans la rage de vie, j'respire, bon et pas. Ma vie, mon rat s'entrechoque. On m'aime, on me déteste, plus j'ai mal, plus je progresse. Le temps dresse, le temps presse. Si je pars, ma musique, elle reste. Ah Aïe aïe aïe, au-delà de mes limites, gros, ça bouge pas. La puissance à l'instant que vous retrouverez aussi en live lors de la tournée de Rof du PDRG Tour, à pas louper. Ça commence la semaine prochaine dans 8 jours maintenant, du côté du Zénith de Paris. Gros morceau aussi celui-ci, la puissance. Hein. Ouais, lourd. Tu vas prendre plaisir quand tu fais sur scène celui-ci. Grave. Celui-ci. Pas grand chose à faire. Ça reprend. Tous les gens connaissent le morceau par cœur. Car ok. La puissance qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock, dans un instant, un autre titre aussi. Envoyez hein, vos sons préférés de Rof avec l'hashtag Rof sur Skyrock. Et là, on va faire un tour à Garge avec Prisco. Si, si, big up Garge. Gonnes. Allô, yo, Prisco, ça va? Yo, bien quoi, Rof? Bien, tranquille, frère. Ouais, ici. T'es en forme? Ouais, on est là. Hein. Et bon, on va t'écouter rapper maintenant, c'est l'heure du freestyle par téléphone, c'est parti? Ok. Allez. Prisco. Ouais. Écoute. Ouais. Hein? Je garde. Commune. 95-140. Écoute, ouais. J'ai très peu de caractère. En gros, je suis comme Peter. Mes sous sont très chargés, tel un convoyeur. Le rap lui fait du sale, je crois qu'il en a marre de moi. Tellement d'inspi, je pourrais sortir un album tous les deux mois. J'ai pas besoin de wange ni d'alcool pour les mettre d'accord. Juste un flow calé avec une toute petite accord. Les MC, je les pique, j'ai le flow d'un compas. On vit dans un monde d'anti-système. Tu le sens ou pas? Demande à mes gars. La misère, on la connaît. Nouveau son, les MC, je crois que votre réel a sonné. Ça fait des scènes à je gare ou à VDF. Tu connais les bails du 9-4 jusqu'à Bethlehem comme une Corbusier. Jamais marre de représenter Crisco au micro. Je fais du sale, est-ce que vous le sentez? On vous oublie pas. Freine, oh, ni et puis la santé. J'insulte pas vous, mais malheureusement, elles m'ont rien fait. Hein? Ok, Crisco, à l'instant, freestyle dans l'émission. Pas mal, hein? Si, si. Bravo à toi, Crisco. Big up, Garge. Ton équipe, frérot. T'as une, t'as une dédicace à passer, on peut te retrouver ouais, sur le net, vas-y, Crisco. Ouais, Tameka, Maïs, Picos, Poligno, Gillian, Killa, Tichou et tout le reste. Je vous oublie pas, Commune, Corbu, on est tous là, on est tous ensemble. Et les autres, vous pouvez me retrouver sur Facebook, K-R-Y-S-K-O, Crisco, et Twitter, Crisco officiel, K-R-Y-S-K-O officiel. Ok, ça roule, Crisco. Ok. Bah merci d'avoir été avec nous dans ce Planète Rap consacré à Rof cette semaine. Ciao, Crisco. De rien. Tiens d'ailleurs, petite question pour repartir comme chaque soir avec l'album dédicacé de Rof ce soir. Question simple. Hein. Vas-y. Il suffit de regarder en plus le live, le skyrock.fm, vous allez trouver tout de suite la réponse. Comment s'appelle la marque de vêtements de Rof? Simple. On en a parlé tout à l'heure, allez-y, vous balancez au 41-7. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Et marketing cette question. 41-7. Très intéressant. Oui, bien celle-ci, bien choisie. Intelligent. Avec le hashtag Rof sur Skyrock. Live, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il y a du live de prévu? Ouais, ouais, je veux bien, ouais. NWA. D'accord, mais juste avant, peut-être qu'on peut passer un morceau si tu veux. Ouais, ouais. Ah, petit dilemme une fois de plus. Qu'est-ce que tu peux mettre? Ça met différent, c'est bien différent. Différent, allez-y, vous envoyez aussi vos morceaux préférés avec le hashtag Rof sur Skyrock. Dans quelques minutes, du live. Et là, c'est différent. Maintenant, sur Skyrock. Foulek Empire. Différent, différent, différent. Différent, différent. Différent, différent, yeah. Différent, différent, différent, différent, différent, différent, différent, différent, différent, yeah. Marine nous aime autant que les nazis. Elle se sent supérieure. Le string rempli de Madi. De quoi la France a peur? Y'a plus de place au placard. L'insécurité progresse, mais on régresse pas comme caca. Embrasse la daronne, fous la flan au flanc de Maca. Pourquoi ta mécréante de maman la regarde haka? J'approuve pas la violence de mes racailles sur ton fils qui prépare sa vengeance de la primaire à l'école de police. One blood, mange défends ma couleur comme un clips. Prends-moi pour une banane, marche sur ma peau et tu glisses. One love. Je force les personnes à m'aimer. Tu sais pourquoi ta fille préfère les blacks clairs ou cramés. Armés, opprimés, affamés. Sont les nôtres, câlinés, pouponnés, mécamés. Sont les vôtres. À qui la faute si le racisme persiste. Comme si Obama perdait son temps à être métisse. Pourquoi te sens-tu supérieur? Qu'as-tu de plus qu'un être humain? Différent, différent, différent. On rit, on pleure, rien de si différent. La vie m'en a fait voir de toutes les douleurs. Métissé par le mal et le bien. Différent, différent, différent. On vit, on meurt, rien de si différent. Ma couleur n'est pas ma religion, négro. Noir c'est pas le tableau quand tu n'es pas un 100% négro. Ne tourne pas le dos à cette partie qui te complète, négro. Tu te blanchis la peau, bounty. Tu n'assumes pas d'être négro. Je me prends pas pour un robeux quand j'emploie des mots robeux. C'est dans nos madrasas qu'on apprend à lire et écrire robeux. Aucune différence culturelle robeux. Est-il haram d'être le beau frère d'un crêle robeux? Trois années et peine, pas tout avec une gosselle. Ceux qui nous prennent pour des singes sont en guerre avec Michel. One blood. Brisons les tabous et les doutes. Personne peut nous écraser, même quand on prie sur la route. Pourquoi te sens-tu supérieur? Qu'as-tu de plus qu'un être humain? Différent, différent, différent. On rit, on pleure, rien de si différent. Yeah. La vie m'en a fait voir de toutes les douleurs. Métissé par le mal et le bien. Nique tous les racistes. Différent, différent. On vit, on meurt, rien de si différent. Entre les lignes, t'as bien lu. Tu m'aimes pas, moi non plus. Liberté, égalité, mon cul, je roule pour l'humanité, y'a pas de peuple élu. Entre les lignes, t'as bien lu. Tu m'aimes pas, moi non plus. Liberté, égalité, mon cul, je roule pour l'humanité, y'a pas de peuple élu. Raciste, fais pas ton hypocrite. Compare à nos bourrés, t'es là, tu parles mal comme Galliano, Moriano à la muerte. Ne venez pas nous emmerder. Même si on mourrait faim, elle pourrait acheter notre fierté. J'suis con comme la lune, je me prends pour 4 stars. À l'image de mon drapeau maoré, renie pas ton histoire. L'univers est plus petit que nos espoirs. J'fais la différence d'où je viens, c'est un exploit. J'veux partir en yacht, yacht, rejoindre mes patriotes, yacht. Noyé sous les tempêtes, au large de ma yacht, yacht. N'alerte, l'air, pas les gardes côte, côte, moi nama. Ne sois pas aigri, ne deviens pas gris comme Rama. Riez, la différence n'est pas quand on va prier. Ne me souhaitez pas l'enfer, sur terre j'suis déjà grillé. Fuck Montesquieu, il n'avait rien d'une lumière. Il ne voyait aucune âme en l'homme noir qui aimait Césaire. Pourquoi te sens-tu supérieur? Qu'as-tu de plus qu'un être humain? Différent, différent, différent. On rit, on pleure, rien de si différent. La vie m'en a fait voir de toutes les douleurs. Antiraciste gros, fuck tous les racistes. Différent, différent. Tous les racistes blancs, tous les racistes noirs, tous les racistes arabes, tous les racistes, tout ce que tu veux, frère. Jaune, rouge, tous ceux qui sont supérieurs à l'homme. Égalité mon cul, je roule pour l'humanité, y'a pas de peuple élu. Entre les lignes, t'as bien lu. Tu m'aimes pas, moi non plus. Liberté, égalité mon cul, je roule pour l'humanité, y'a pas de peuple élu. Différent, différent, différent, différent. Différent, différent, différent, différent. Dieu pour tous. Différent, différent, yeah. Différent, différent, différent, différent. Différent, différent, différent, différent, différent, différent. Big up Redouane, yeah. One blood. Rof avec différents avant de partir en tournée le 11 avril au Zénith de Paris, 19 avril au Zénith de Lille, le 20 avril au Zénith de Nantes, le 25 au Transborder de Lyon, 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, 28 mai au Zénith de Montpellier, le 30 mai aux Arènes de Metz, Rof est avec nous cette semaine jusqu'à demain soir encore entre 20 et 21. Grosse tournée. Grosse tournée à pas louper. Steve. Coup d'envoi dans une semaine. Et petite répétition maintenant à faire un live. Vas-y. Allez, c'est parti, allez, session live dans l'émission de Planète Rap. Je suis un ouf là. Ok. 1 N double A. Les gars, vite. Yeah. Ça parle comme. Allez comme moi, c'est un. 1 Monte le son, Renoir, écoute sa fort, Robeux. À la main gauche, une Henken. À la droite, un gros joint de bœuf. Criminel, pourvu que ça sonne dangereux. Son de guerre, fuck, piche, connais pas dangereux. T'apprécies mieux, oublie les bails de coke, ça ira. Les goûts ont dû tailler, j'attire trop de Kaira. Mais allez, on se verra plus tard, bitch. Il reste de la batterie, je me fais pas embarquer à cause d'une fiche. Je vois que les chiens de la casse sont sortis de leur niche. Tous pas à moi, Ziranto, essayant de devenir riche. C'est pas l'histoire de 50, une seule suffit. Si tu survis, si c'était pas le bonjour, crois pas que t'as 8 vies. Je peux t'aider pour mes principes, mon bled, la principie. Donc je suis principien avant d'être comme moyen de Vitry. Les petits ont pris le relais, fini la bonne mentale à l'ancienne. Les chiens font pas des chats, mais les chats t'accouchent des chiennes. Pourquoi tant de haine? Double A, j'ai mis en reste le rap game. Triple A dans le art. Quand j'ai fait trop ce gars pour reculer. Comprends la métaphore, j'ai connu que la merde dans ce monde d'enculé. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? Rose Kaira, le putain de blague qui fait rep. N double A, négro avec attitude. On meurt avec du soin, que l'on m'a sans inquiétude. J'fais mes tubes, prends mes tubes et de l'attitude. N double A, négro avec attitude. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? Qui peut faire quelque chose quand je suis énervé? Je suis sur le trône, devant tout le monde en train de chier une merveille. Comme Nabila, tête au pied, je suis refait. Ils peuvent pas s'empêcher de parler de moi, même en train de crever. Je renais de mes sons, t'as le phénix. N'essaie pas de me calmer, n'essaie pas de me faire passer parce que je ne serai jamais. C'est tout un affaire, mais des gueules, mais de la sortie chômée. Le bonheur m'a rencardé, l'amour m'a rançonné. Le destin m'a renversé, la vie m'a pas klaxonné. Paris me connaît, je connais mieux que de la Noé. Partout j'ai chanté l'hymne et les Marseillais n'ont pas marronné. Très célèbre de Bruxelles jusque dans les Pyrénées. Toujours pas d'adversaire, je demeure mon pire ennemi. Je suis pas Black Power, œil au beurre, noir, fusil, mitrailleur. Balle perdue pour t'apprendre. On a deux mètres ailleurs. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? Rose Kaira, le putain de blague qui fait rep. N double A, négro avec attitude. On meurt avec du soin, gueule en main sans inquiétude. J'fais mes tubes, prends mes tubes, l'attitude. N double A, négro avec attitude. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? J'fais péter mon son dès que les clés t'arrêtent. C'est à les morceaux découpés en barres. J'ai pété mon son dès que les keufs t'arrêtent. Dis-leur c'est à les morceaux découpés en barres. Vrai, respect, vrai, même tué par l'orgueil. Ton assassin embrasse ta daronne en deuil. Comme un écureuil, porte tes noisettes. Sois pas... pas la chambre à tes ancêtres. Mental de you, voix à l'échelle parisienne. Sorti de bois, coup de feu, un de mes petits a encore fait des siennes. C'est le game qui t'emmène droit en enfer. D'argent sale donne, on saura quoi en faire. Mon body quitte ta vie, ne regrette pas ton vécu. Si t'as fait que de la merde, c'est que t'en avais plein le cul. Fais-toi plaisir si tu peux te le permettre. Fais ronronner le moteur de la fée, qu'ils aillent se fermer. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? Gros Skyra, le putain de blague qui fait direct de Skyra, gros. N double A, négro avec attitude. On meurt avec du soin, gueule en main sans inquiétude. J'ai mes thunes, prends mes tubes et de l'attitude. N double A, négro avec attitude. What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? What's up, alaykoum, alaykoum, what's up? N double A, un. A.K.A.N.W.A. Hommage à Dre, Ice Cube, Easy E, Yella, MC Ren. Un putain son qui résonne plus fort qu'à leur putain de sirène. Si, si. Ok. N.W.A. ou N.W.A. à l'instant sur Skyrock, morceau. Voilà. Connaissais N.W.A. toi? Bien sûr. Écoutez. Ben j'écoutais moi toute la partie West Coast avec bien sûr avec toute cette époque. Ils disent Fred, ils connaissent. Ils disent Fred, il connaît rien au rap. Donc ben, alors, dis-moi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi un titre NWA. Easy, il y avait dans non non mais il y avait dans NWA, bien évidemment, c'est le premier groupe de Dre où on retrouvait Easy. D'ailleurs, il y avait récemment un concert avec c'est qui le fils de Easy qui est passé récemment là du côté de Paris. Pardon, vas-y Rock J. Prends donc. C'est bon, ouais, il y avait DJ Yella aussi du groupe de NWA qui était là il y a pas longtemps. Enfin, c'est parole de DJ, gros. Il défend les DJ, lui. DJ Rock J, et puis ça, évidemment, donc ça fait toute cette partie, toute cette culture pour toi, parce que c'était vachement West Coast avec Tupac aussi. Ouais. Tupac, gros, numéro 1. Numéro 1 pour toi, toujours. Toujours, toujours. Toujours. T'écoutes encore beaucoup de Tupac ou pas? Mais grave. C'est vrai? Obligé. Des morceaux de Tupac. Émotif ce punk. Ah ouais, vraiment? Donne de l'inspi, ouais. Toi, t'étais plus West Coast, justement, à cette époque où il y a eu les combats entre West Coast, East Coast. En fait, c'est quoi? C'était leur problème, tu vois. Moi, je vais pas rentrer là-dedans, mais disons que par rapport à la. Non, mais là, on parle musique, juste. Au niveau sonorité. Par rapport au son, par rapport au flow, au débit, tout ça, moi, j'étais plus West Coast. Mais je connaissais les deux, tu vois. Voilà, quoi. Donc ouais, c'est la grande époque en tout cas, voilà, des années 90, au début des années 90. Exact. Où il y avait ce groupe donc qui s'appelait NWA. Après, ça rassurera ou peu ou pas ceux qui disent que j'y connaisse quelque chose ou rien. C'est pas mon problème, je m'en fous. J'étais né, je me souviens très bien de cette époque et je peux même te rappeler qu'on jouait à l'époque, puisqu'on faisait une émission sur Skyrock avec Tabata Cash en 94 qui s'appelait Sky Club, et Tabata, elle était à fond dans la West Coast et jouait que du NWA, du Ice Cube, enfin, et tous les artistes qui ont marqué la West Coast de l'époque. Snoop Dogg aussi avec son premier album, pareil, ça, c'est un gros classique aussi, Snoop Dogg, je suppose, toi, pour le premier album, non? Bien sûr, Doggy Style. Je connais. Bah, c'était pas un blind test, non? Que je faisais avec toi. Bon, bah écoute, un dernier morceau, est-ce qu'on met le Zlatana Remix? On l'avait promis. Vas-y, on voit. Avant de faire tourner la roulette, 41759, vous laissez votre prénom, numéro de téléphone pour faire tourner la roulette dans un instant. Et là, on balance. T'inquiète, tout de suite. La saison 3, elle est en préparation, t'inquiète. Allez, c'est. Voilà, t'inquiète, ça va arriver. Saison 3, t'es dessus? Saison 3, on est dessus, t'inquiète. Ouais, c'est la question. Très, très, très lourd. Vous très, envoyez très, très de lourd. Saison 3, donc voilà, ça arrivera. Ouais, puissant, ça, grand-mère. Courant de l'année 2014? Non, je peux pas en parler encore, tu vois, mais ça va arriver. Peut-être juste après, on va voir. Allez, Zlatana Remix avec celui qui était là hier soir, Kérosène. Et débrouillard. Zlatana West Indies Remix. Piranha et moi, on est complices. Les footeux, les dealers, les petits vieux, les zookers. Moi Nama, trop de vis. Et te mettre la banana comme Anna Nicole Smith. Très belle confort, ça chante à coffre fort. Le chat te faire les poches pendant que tu rafles fort. Et t'es travaillé au corps. Bijol même les grosses pinces. Et kiffe ce son qui fait bounce. Sa nouvelle paire de ins. Mince. C'est toujours toi qui rince. Crapules sont les grenouilles quand les crapauds jouent les princes. Bouti, musique. Préfère l'oseille à ton physique. Palace, boutique, resto chic. Voyage, tapis, nage artistique. Elle ressemble à la somme que je n'ai jamais dépensée. J'avoue, elle est archi bonne, elle suce trop bien pour t'en débarrasser. Pour les sales, des touches intéressées. Elle est en bonne gangaissée. L'argent est la fessée. C'est ta fiancée, t'es son financier. Zlatana, bronzage. Punta Cana, Nalchetana, plus chaud que Rihanna. Ok, débrouillard, big up. Il est fort des projets de la pichon. Toujours marié qu'au bandana. Changé qu'au Rana Montana. Il cabra qu'il dit si vous faites ça qu'à sembler qu'on caissier. Braquage. Le robot nous voit le clé. Déjà à vous de mon cas d'un bac à vous faire votre média. Et à vous faire vite content que je suis là. Et bien, panache. Ça qui ouais, ça vous fait tout. Et ça Kao Kavan. Il veut vendre les mecs là. Il veut prendre du Diana. Il just came out with a job. Il veut que Vina nous parle. Pour des tafs, si on stick. Pas besoin de faire un script ou sortir pour Banana Spliff. Banana Spliff. Ok, Jesse Moni, Selim du 9-4, Joinville, Barbus. Il veut vendre les mecs là. Jeune 4, La trentaine, tous les week-ends, tu sors prendre une kérosène. Actif et célibataire, t'es pas dans toutes les histoires de couple. Le bel héritage de ton père t'a permis de te payer le petit coup. Tu taffes juste pour la santé, mais ton quotidien c'est coup de filet quand t'as au con. Oups, entre deux shoots, t'as repéré son look. Elle t'a dit qu'elle venait de la Guadeloupe. Elle peut t'apprendre à danser le zouk. Toutes les mêmes, mais là y'a pas de doute. Elle est souple dans ta tête, c'est le souk. Tu lui as présenté toute ta troupe. Elle te veut pour le reste de ses jours. Mais la Zlatana, elle sait à quoi elle joue. Elle est belle et toi, banale. Elle marche et toi tu cours, c'est ta reine. Sa parade doit se répéter tous les jours. Elle est tienne, t'en es malade comme avant. Tu lui fais la cour. Procuration sur tes comptes, normal après tout c'est ta reine. Tout est bien transféré à son nom. Au cas où le business a des problèmes, elle va même te présenter sa famille. Loin des stress de la fille parisienne, elle connaîtra plus jamais la famille. T'es mort, dévoré par les hyènes. Merci à tous les Timal, haïtiens, guyanais, martiniquais, européens, réunionnais. Big up à toutes les Zlatana. Hein? Ça va Zlataner avec leur mix. Ce remix Zlatana remix. Et Laurent, il est fort le morceau. Zlatana West Indies. Avec remix. Kérosène, débrouillard. Kérosène qui était d'hier soir dans l'émission entre 20h et 21h. Avec Rof, c'est un cadeau, hein. C'est-à-dire qu'on peut le trouver là sur le net, mais c'est pas en vente. Enfin, c'est. Non. Cadeau. Balancer cadeau. Cadeau Rof celui-ci. Cadeau. Le remix de Zlatana entre 20h et 21h dans le Planète Rap consacré à Rof. Demain, tu viendras pour la dernière, Rof. Avant de partir en tournée, c'est dans une semaine le début de la tournée. Le 11 avril au Zénith de Paris, le 19 avril au Zénith de Lille, le 20 avril au Zénith de Nantes, le 25 avril au Transborder de Lyon, le 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai à Marseille au Dôme, 16 mai au Zénith de Caen, le 28 mai au Zénith de Montpellier, le 30 mai aux arènes de Metz. Et puis il y aura d'autres dates aussi à pas louper, Rof, en tournée dans toute la France. Sur Skyrock, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Allô Clara de Cholet. Oui, bonjour à tous. Ça va bien Clara? Oui, très bien, toi? En pleine forme? Oui. Je te présente Rof, c'est notre invité cette semaine. Salut Rof. Salut. Ça va? Très bien. Clara, tu fais quoi? C'est le bahut pour toi? Enfin, pas en ce moment, mais... Ouais, au lycée là. Ça se passe bien. Bientôt les vacances. Ouais. Comment? Bientôt les vacances. Dans 4 semaines. Ah, toi, c'est, oui, c'est, oh là là, oui, c'est vrai, Cholet, c'est un peu plus tard, c'est dans un mois. Ouais. En même temps, vous avez repris en dernier, donc c'est normal que ça arrive un peu plus tard. Voilà. Allez, on fait tourner rapidement, c'est parti, Clara, dès que tu veux, tu dis stop. Ok. La roulette. Waouh, Clara énervée, hein. La roulette qui tombe sur le DVD Hunger Games, l'embrasement qu'on t'envoie du côté de Cholet. Merci beaucoup. De rien, je te fais un bisou Clara. Merci, je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Elisa, à Cassandra, à mon frère Sage, à Reggie et à tous ceux qui m'écoutent. Ça roule, je te fais des bisous, ciao Clara. Merci, bisous. Bonne soirée, merci Rof pour cette soirée. Demain de retour. Ouais. Entre 20h et 21h pour la dernière. Si. On sera à une semaine du concert, début du concert au Zénith de Paris le 11 avril. Demain, on fêtera ça entre 20 et 21. Merci à Rock J qui était aux platines. Ouais, on va ramener demain. Je vais avoir des invités demain. Ça va être CPLS, certifié par la street. Le nouveau rappeur qui déchire. Dont tu t'occupes? Non, je m'en occupe pas. Je leur ai fait un petit big up sur mon Facebook. Tu vois? Puis voilà quoi, je leur donne de la force, tu vois. T'as pas envie de produire en ce moment? T'as pas envie de signer des gens? En ce moment, je suis en mode tournée, tu vois. Je peux pas tout faire en même temps, mais ça viendra. Maintenant, ce que je fais, c'est que je donne de la force à ceux qui le méritent, tu vois, sur ma page Facebook. Voilà, si je pense que voilà, tous les mecs qui rappent en ce moment, ils suivent ça très près, les nouveaux. Sur ma page, t'as à peu près 500 à 1 500 000 personnes qui passent sur ma page, tu vois. Moyenne, c'est pas une moyenne négligeable. Donc ça peut leur permettre de faire parler d'avoir d'eux, un sacré d'avoir coup de un petit buzz, tu vois. Comme on sait que c'est difficile. Genre, voilà quoi, je mets de la lumière sur mais eux, c'est je donne de la force. Tout, pour le coup, t'écoutes tout et tu, voilà, comme tu nous disais, ouais, c'est pas fait, moi qui m'occupe du Facebook. En fait, mais... on se renseigne et puis t'en as qui arrivent à nous toucher, tu vois. Et puis voilà, ils préparent une petite vidéo avec un couplet, refrain. Tu vois, et puis quand ça tue, on accepte et puis on le joue, tu vois. Donc là, c'est certifié par la street, CPLS. CPLS, certifié par la street. Si vraiment tu mérites, t'as ta place. Tu vois, t'as ta série, y a pas de problème. Nous, on donne de la force, y a pas de souci. Allez faire un tour, allez cliquer. Demain, le retour entre 20 et 21. Merci, Rof. Ouais. On va retrouver D-Fool maintenant, qui doit être là avec toute l'équipe de la Radio Libre. Et ben, on est là, c'est ça. Oui, j'entends. Ça va, Rof? Ça va, Fredo? Bah ouais. Tu es D-Fool ou quoi? Alors, 2-0 ou pas? C'est... Et 3 hier. Ouais, 3 moins 1, combien? C'était ça. Ouais. Oui, c'est presque ça. Oui, presque. Non. Le compte est bon, le compte est bon. Allez, on va dire OK. Pour, et Lyon ce soir, qu'est-ce que t'en penses, Rof? Lyon-Juve. Rien. Aïe. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud pour les Lyonnais. Si ils arrivent à obtenir un match nul, c'est bien. C'est bien. Ils sont à la maison. On suivra le match ce soir. Hein. Lyon-Juve à suivre sur Skyrock. Bon, tu passes nous voir quand, Rof? Ah, pourquoi pas tout de suite? Eh ben écoute, ah bah, c'est une bonne idée. Ah, faut nous faire le live de l'oseille si c'est possible. Non, ouais. Laisse-moi tranquille. Non, bah, fais-le, le live de l'oseille. Viens au Zénith, 11 avril. Ah, voilà, allez hop. Allez, Rof, on t'en retrouve dans un instant. On vous retrouve tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. On est là avec toute l'équipe qui a débarqué. Je vois déjà Rajan qui est là. Bonjour à Deck Greg si vous voulez débarquer aussi. Vous envoyez les messages sur le 41-759 jusqu'à minuit. La radio libre, le foot, Rof qui a passé nous voir et vous tous en direct. Et DJ Snake pour démarrer dans un instant. Bref, à tout de suite, Rof. Bonne soirée. Et c'est demain, ça, exactement. 20h, on n'oublie pas. Bah oui, pour le rendez-vous, un petit peu avant 20h même. C'est la dernière de la semaine demain en plus. Ouais, hein. À pas louper avec Rof dans Planète Rap. Salut Fredo. Ciao, ciao. Ciao Rof, à tout de suite. Ciao.